Pour régler ces problèmes concrets, il faut aussi se resituer dans une vue d'ensemble du domaine de l'environnement pour voir dans quel cadre on opère. Quels sont les acteurs les plus importants en présence? Comment sont organisées les administrations et les pouvoirs publics qui s'occupent d'environnement? Quelles sont les forces politiques qui s'intéressent à l'environnement? Quel est leur poids? Quelles sont les idées-forces qui déterminent le fonctionnement du champ de l'environnement? Et puis, quels sont les dossiers d'actualité dans le champ de l'environnement? Ce serait ça, la vue d'ensemble. Un point important, c'est que cette vue d'ensemble, elle change au fil des années. Tous les éléments que j'ai mentionnés, les acteurs, les structures administratives, le jeu politique, les idées, tout ça change. Et donc, c'est important d'arriver à se situer en se disant, voilà, cette année, comment ça se présente, où on en est, et de ne pas nous fabriquer une version figée de ce domaine environnemental. Dans les deux ou trois dernières années, chaque fois que je me suis livré à cet exercice, j'ai eu un double sentiment de flou, c'est-à-dire qu'il était difficile de voir exactement où on en était sur l'environnement, et aussi un sentiment de malaise, c'est-à-dire qu'on a du mal, on entend à la fois un discours très fort sur l'environnement, la planète, l'écologie, etc., mais on ne sait pas du tout si on était en train d'agir, de ne pas agir, où est-ce qu'on en était par rapport à ça. Alors certes, on pouvait quand même faire des remarques importantes, par exemple, le fait que la crise très forte qu'a traversé le monde agricole il y a 3 ans, qui s'est ouverte à ce moment-là, a ouvert une fenêtre d'opportunité pour renégocier les questions agriculture-environnement. J'avais fait cette remarque dans mon petit discours de conjoncture il y a 3 ans. Donc voilà un élément d'actualité qui était visible. Un autre, c'est le fait qu'on est toujours dans les suites du Grenelle de l'environnement de 2007, c'est-à-dire dans une conception de l'action, j'y reviendrai, qui met en avant la nécessité d'agir tous ensemble pour traiter les problèmes d'environnement. Et puis on est aussi dans un cadre où la création du grand ministère de l'écologie, qui est en même temps ministère des transports, de l'équipement, du logement, de l'énergie et de l'environnement, reflète une conception de l'action publique dans laquelle il faut mettre toutes les structures, fusionner toutes les structures pour obtenir une intégration dans l'action publique. Donc voilà les éléments d'actualité, mais il restait ce flou et ce malaise. Ce flou et ce malaise, pour moi, ils ont été levés mardi dernier avec l'événement que nous avons tous vu, et donc on va l'écouter dans les mots de Nicolas Hulot. Est-ce que vous restez au gouvernement de ce fait-là? On entend ce matin que la tristesse et même plus la colère, Nicolas Hulot. Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Je ne veux plus mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement. Aujourd'hui. Vous êtes sérieux ? Oui, je suis sérieux. D'un seul coup, on voit le paysage dans lequel on vivait depuis un an, traversé par ce coup de tonnerre. Et Nicolas Hulot lui-même nous invite à utiliser ça comme une source de réflexion, comme un défi ou une mise au défi de rebondir sur notre manière de comprendre les problèmes d'environnement. Écoutons-le avec ses mots à lui. Moi, je ne critique personne. J'espère que mon départ provoquera une profonde introspection de notre société sur la réalité du monde. Et donc, c'est à cette introspection, à cette réflexion qu'on va procéder dans les semaines qui viennent. Je pense qu'au niveau de la société dans son ensemble, ça va bien nous prendre 2-3 ans et qu'on a 2-3 ans devant nous pour réfléchir, vu les structures politiques. Et donc, je vais essayer de lancer quelques thèmes de réflexion là-dessus. Mon premier thème de réaction, il est le suivant. On est dans une manière de poser les problèmes dans les médias et dans la manière dont le public, c'est-à-dire vous et moi, réagissons à ces questions, qui est fondée sur des personnes et des objets emblématiques. C'est-à-dire que la discussion s'organise toujours autour de, par exemple, Nicolas Hulot, c'est le symbole de l'investissement du gouvernement dans la cause écologique. Donc on a des personnages emblématiques comme ça. Et puis, on a des objets emblématiques. Par exemple, le glyphosate, c'est un objet emblématique. Et puis, on a des objets emblématiques positifs. Hein, donc, il y a des objets emblématiques maléfiques, le glyphosate. Et puis, des objets emblématiques bénéfiques. Hein, je parle délibérément dans un langage magique, parce que c'est bien de ce type de pensée qu'il s'agit. Exemple, les éoliennes. Hein, donc là, on ne se pose plus la question sur ces objets. À chaque fois, est-ce que oui ou non, il contribue à faire avancer les choses? On dit voilà, ça c'est un objet bénéfique, ça c'est un objet maléfique. Et quiconque s'oppose à un objet bénéfique est un personnage maléfique. Hein, par exemple, si vous considérez que tel ou tel champ d'éoliennes pose un vrai problème environnemental, vous êtes maléfique parce que les éoliennes sont un objet bénéfique. Et donc si vous êtes contre un objet bénéfique, vous êtes maléfique. Et de la même manière, si vous soutenez un objet maléfique, vous êtes maléfique. Par exemple, un chercheur en agronomie qui va expliquer que certains désherbants permettent de faire de l'agriculture sans labour, qui diminue l'érosion des sols, qui diminue un certain nombre d'impacts environnementaux, qui augmente le stockage de carbone dans les sols, on va lui dire, puisque vous dites quelque chose qui n'est pas à 100% contre le glyphosate, donc vous êtes un personnage maléfique. Et donc, on se retrouve dans un théâtre dramatique, en fait, au sens théâtral du terme, une sorte de guignol, au fond, où il y a les gentils et les méchants, et où l'émotion du public sur laquelle on joue, c'est, attention, il y a Niafron, hein, qui est derrière Guignol, qui le menace avec sa matraque. Donc il y a des méchants emblématiques qui menacent des gentils emblématiques. Et donc on a tendance à être pris dans ce théâtre et à structurer le problème comme ça. Les bons contre les méchants, dit autrement. On a une structuration de l'analyse qui ressemble plus à un western, en fait, qu'à une analyse en profondeur de la conduite des politiques publiques. On a un exemple tout à fait flagrant dans l'interview de Nicolas Hulot qui concerne le thème des lobbies, thème qui a été abondamment repris dans les commentaires et les suites de la démission de Nicolas Hulot. Écoutons cette section sur les lobbies dans l'entretien. Nicolas Hulot, qu'est-ce qui s'est passé hier soir à la réunion à l'Élysée avec, en présence d'Emmanuel Macron et des représentants des chasseurs? Ça va paraître anecdotique. Mais pour moi, c'était symptomatique et c'est probablement un élément qui achevait de me convaincre que ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. On avait une réunion sur la chasse, avec une réforme qui peut être une réforme importante pour les chasseurs, mais surtout pour la biodiversité. Mais j'ai découvert la présence d'un lobbyiste qui n'était pas invité à cette réunion. Et c'est symptomatique de la présence des lobbies dans les cercles du pouvoir. Et il faut à un moment ou à un autre poser ce sujet sur la table, parce que c'est un problème de démocratie. Qui a le pouvoir? Qui gouverne? Donc vous voyez l'élément de structuration de l'analyse dans la bouche de Nicolas Hulot, mais c'est le même dans la bouche des analystes. Il y a des méchants lobbies qui défendent des intérêts diamétralement opposés à l'intérêt général. Et face à eux, il y a des porte-paroles faibles et d'une certaine manière isolé de l'intérêt général. Et puis, la présence des lobbies, si on se situe dans cette perspective, a une conséquence dramatique, c'est-à-dire que ces intérêts particuliers qui seraient défendus par les lobbies s'opposent à l'unité qui nous permettrait de prendre en charge un enjeu supérieur. Donc, cette notion d'enjeu supérieur, elle va revenir. Et elle est, au fond, dans l'analyse et le discours qu'on entend, l'inverse du système des lobbies, c'est-à-dire la capacité qu'on aurait à se rallier tous à un intérêt. Remettons les priorités dans le bon ordre. Ce sujet conditionne tous les autres, je le dis en boucle. Remettons les priorités dans le bon ordre. Ce sujet conditionne tous les autres. Je le dis en boucle. Excusez-moi pour la petite plaisanterie. On est donc là au cœur du modèle intellectuel dont on parle. Il existerait une hiérarchie sous-jacente et le système des groupes d'intérêt, qui me paraît un terme plus approprié que lobby, serait maléfique au sens où il empêcherait que cet intérêt supérieur se manifeste. Ça pose quand même des problèmes absolument majeurs. Pourquoi ? Est-ce que c'est vrai que la problématique écologique est un intérêt qui détermine tous les autres ? Oui, ça l'est. Hein, si on ne peut plus boire l'eau des nappes souterraines, si le changement climatique nous met dans une situation impossible, si on arrive à des pertes de biodiversité telles que la production alimentaire devienne plus difficile, oui, ça conditionne tous les autres. Mais est-ce qu'on peut s'arrêter là ? Moi, je ne crois pas, parce que j'ai pas besoin de chercher loin pour trouver d'autres thèmes qui conditionnent tous les autres. J'en prends juste un, l'éducation. Imaginez qu'on diminue un petit peu l'effort énorme qu'on fait collectivement pour l'école, pour l'éducation. Et qu'on dise, ok, l'enjeu clé, c'est le changement climatique et la biodiversité. Si l'illettrisme progresse, ça... Bon, bah, si on se retrouve dans une société où l'illettrisme progresse, qui peut se faire très très vite, hein, parce qu'avec le renouvellement des générations, les gens n'apprennent pas à lire par leur naissance, il y a un problème d'éducation. Et donc si on part vers une société où l'illettrisme augmente, où le niveau de formation diminue, etc., ça détermine tout le reste. Est-ce qu'on pourra prendre en charge les problèmes d'environnement dans une société où l'illettrisme et l'absence d'éducation prévaudraient ? Non. On se tourne d'un autre côté, la sécurité. Imaginez qu'on se retrouve, comme ça se passe dans pas mal de pays, dans un pays où on commence à choisir la solution simple que constituent les assassinats politiques pour accélérer un peu nos petits débats d'opinion. Hein ? Donc ça veut dire que de temps en temps, on tue un militant écologiste ou des militants de la cause des femmes, ou etc., pour simplifier un peu le débat. Mais... ça détermine tout. Comment on va discuter de régler nos problèmes d'environnement, nos problèmes de mode de production, etc., dans un pays où l'assassinat politique et l'assassinat de militants de la société civile fait partie de la manière de faire. Or, l'absence d'assassinat politique, c'est pas le résultat juste du fait qu'on est tous des gentils. C'est le résultat d'un effort énorme de politique publique. Et donc, le raisonnement qui consiste à dire une cause qui détermine tous est trop court, parce qu'il ne permet pas d'aller vers une hiérarchie. Il y a une notion que je trouve extrêmement éclairante, sur laquelle on reviendra, qui est proposée par Olivier Godard, c'est la notion de hiérarchie enchevêtrée. Donc oui, la cause écologique est au sommet d'une hiérarchie, mais d'autres causes sont aussi au sommet d'hiérarchie, qui sont tout aussi déterminante et qui conditionne tout autant tout le reste. Et donc, ce qu'il faut qu'on apprenne, c'est à fonctionner, à travailler, à agir dans des contextes où nous ne pouvons pas nous ramener à une hiérarchie, mais où nous devons fonctionner dans le cadre de hiérarchies enchevêtrées. Donc nous, il y en a une qui nous intéresse plus que les autres, hein, c'est la hiérarchie sur les problèmes écologiques. Mais de là à penser qu'elle s'impose aux autres, de mon point de vue, ça c'est un problème, soit d'immaturité, soit d'idéologie. En tout cas, c'est un problème sur lequel il faut absolument avancer. Comment on peut porter une cause qui détermine toutes les autres dans un contexte où il y a d'autres causes qui déterminent aussi toutes les autres. Donc la manière, quels outils intellectuels on a pour faire ça? Comment on fait pour pas retomber en boucle dans le discours qui consiste à dire il y a un problème plus important que tous les autres? On verra tout à l'heure les impacts pratiques de cette manière de faire. Ce raisonnement, il va arriver à une situation qui est décrite de manière très intéressante par Hulot dans son entretien. Écoutons-le. Moi, je demeure dans ce gouvernement à la manœuvre d'une transition sociétale et culturelle, mais je suis tout seul à la manœuvre. Vous êtes tout seul à la manœuvre. Oui. Vous êtes tout seul dans ce gouvernement. Écoutez, il faut se dire les choses franchement. le Premier ministre, le Président de la République ont été pendant ces 14 mois, à mon égard, d'une affection, d'une loyauté, d'une fidélité absolue. Mais au quotidien, qui j'ai pour me défendre? Est-ce que j'ai une société structurée qui descend dans la rue pour défendre la biodiversité? Est-ce que j'ai une formation politique? Est-ce que j'ai une union nationale sur un enjeu qui concerne l'avenir de l'humanité et de nos propres enfants? Est-ce que les grandes formations politiques et l'opposition sont capables à un moment ou à un autre de se hisser au-dessus de la mêlée pour se rejoindre sur l'essentiel? Est-ce que la responsabilité, c'est simplement la responsabilité du gouvernement? Est-ce que c'est simplement la mienne? Ce qu'on voit, c'est ce sentiment de solitude qui est exprimé. Il est exprimé pas seulement par Nicolas Hulot, il a été exprimé par tous les ministres de l'Environnement. C'est extraordinaire de voir que on a utilisé très souvent dans l'actualité depuis une semaine la formule « ministère de l'impossible ». Mais cette formule, d'où elle vient? Cette formule était le titre du livre que le premier ministre de l'Environnement, au début des années 70, après la création du ministère, a utilisé pour raconter son expérience, le ministère de l'impossible. Corinne Lepage, 20 ans après, donc cette fois-ci dans les années 90, après ces 2 ans à peu près de en fonction de ministre de l'Environnement, a écrit un livre qui s'appelait « C'est impossible, Madame la Ministre ». Exactement la même, le même constat. Et là, on entend les mots de Nicolas Hulot, cette solitude. Ce qui est intéressant dans le passage, je trouve, c'est qu'il y a 2 interprétations complètement différentes possibles de cette solitude et que lui fait les 2 sans choisir. À un moment donné, il dit « Je suis seul parce que je n'ai pas des militants écolos prêts à descendre dans la rue pour défendre mes intérêts. Je n'ai pas derrière moi des troupes organisées sur la question écologique de la même manière que les agriculteurs, les chasseurs ou d'autres ont des troupes organisées. » Ça, c'est une manière d'interpréter. Si on interprète, si on entend ce volet-là, là, on peut se poser la question... C'est quand même un raisonnement très limite de dire « je trouve anormal que les chasseurs s'organisent pour défendre leurs intérêts en tant que groupe de la société, et moi, je trouve que je devrais être mieux organisé pour défendre mes propres intérêts ». Il faut être cohérent. Soit on raisonne en disant « nous défendons des intérêts qui sont légitimes les uns et les autres, donc nous, il est légitime que nous nous organisions pour ça ». Soit on considère que ce n'est pas légitime de défendre ses intérêts et que le problème est ailleurs. Ça, c'est la deuxième interprétation. Quand il explique que le président de la République ou le Premier ministre sont les personnages de référence dans cette affaire, le raisonnement est autre. Il consiste à dire ce qui est décisif, ce sont les personnages qui ne sont pas en charge de défendre telle ou telle préoccupation de la société, mais d'intégrer les préoccupations de la société. Et ne pas être seul, ça voudrait dire avoir le soutien de ces dirigeants politiques du plus haut niveau, c'est-à-dire des gens qui ne défendent pas une cause, mais ont la responsabilité de la société. Donc vous voyez qu'il y a là 2 interprétations ou 2 compréhensions de cette solitude qui sont complètement différentes et qui sont juxtaposées. Je pense que c'est un thème qui va vraiment être fondamental dans la réflexion qui vient, parce que ça ne conduit pas du tout au même type de réflexion. Dans la réflexion de Nicolas Hulot, il est clair que c'est la deuxième interprétation qui domine, c'est-à-dire l'idée que la solitude qu'il ressent est problématique, pas tellement parce qu'il n'a pas assez d'écolos derrière lui, mais parce qu'il n'arrive pas à rallier une coopération large du gouvernement. Donc on va rentrer avec ça dans ce qui constitue le cœur du modèle intellectuel de son action. Que j'espérais justement qu'à la rentrée, fort des longues discussions que j'ai eues avec le Premier ministre, avec le Président, il y aura un affichage clair sur le fait que c'est l'ensemble du gouvernement, l'industrie, l'économie, le budget, le transport, c'est déjà le cas, l'agriculture et bien d'autres, qui allaient être avec moi, à mes côtés, pour porter, incarner, proposer, inventer cette société économique. Je sais que seul, je n'y arriverai pas. Donc vous voyez ici que le remède à la solitude ou à ce sentiment d'essayer de faire changer les choses en n'arrivant pas à les bouger, celui qui est privilégié par Nicolas Hulot, c'est l'idée que, puisque cette cause est fondamentale et décisive pour toutes les autres, alors les plus hauts dirigeants et le gouvernement dans son ensemble, et ça veut dire en fait la société dans son ensemble, doit se réorganiser pour porter cette cause. Et à ce moment-là, effectivement, celui qui porte le dossier environnemental, il n'est plus seul. Il a tout le monde derrière lui, puisque c'est le problème de tout le monde. Ça va même un peu plus loin, parce que ça va avec des attentes quant à l'attitude des autres protagonistes. Par exemple, dans le cas de ce qu'exprime Nicolas Hulot, avec les autres ministres. Et puis petit à petit, je n'ai pas réussi, par exemple, à créer une complicité de vision avec le ministre de l'Agriculture, alors que nous avons une opportunité absolument exceptionnelle de transformer le modèle agricole. Je suis tout à fait en accord sur le fait qu'il y a eu une fenêtre pendant les deux ou trois dernières années pour modifier le problème agricole. Mais est-il légitime de la part du ministre de l'Environnement d'attendre une complicité du ministre de l'Agriculture? J'apprécie beaucoup la personnalité, les postures de Hulot en général, même si je suis vraiment dans la critique du modèle d'action que ça représente. Mais imaginez qu'un secrétaire général de la CGT, le syndicat, après 4 ans de mandat, enfin, je ne sais pas combien de temps dure leur mandat, mais après quelques années de mandat, disent, écoutez, je suis extrêmement déçu, je m'attendais à avoir une vraie complicité de la part du président du MEDEF. Nous avons tellement de préoccupations communes, il y a tellement d'opportunités qu'on pourrait prendre ensemble pour améliorer le dialogue social, à la fois dans l'intérêt des salariés et des entreprises, que je me sens un peu blessé finalement de ne pas avoir trouvé chez eux cette complicité. Il y a quand même un truc qui pose problème, c'est-à-dire que, de mon point de vue, là, on touche du doigt les limites du modèle d'action coopératif. Je crois que là, on est au cœur de la réflexion qu'il va falloir que les instances politiques, le secteur environnemental aient dans les mois et les années qui viennent. Nicolas Hulot donne une version plus construite et qui va plus loin de ce modèle d'action. Écoutons-la. Nous n'y arriverons que si un gouvernement dans son ensemble a la même impulsion, la même ambition, la même feuille de route, la même vision. Moi, je ne peux pas passer mon temps dans des querelles avec Stéphane Travert. Ce n'est pas l'idée que je m'étais fait. Je suis rentré dans un esprit de coopération, pas de confrontation. Vous voyez que c'est à la fois un modèle d'organisation de l'action gouvernementale qui est proposé, mais aussi une sorte d'état d'esprit. C'est l'idée que si on se comporte en gentil, on peut attendre des autres qui se comportent en gentil, et que de toute façon, la cause qui détermine toutes les autres va mettre tout le monde d'accord, pour utiliser cette expression que je trouve magnifique, qui est dans son ambiguïté. Donc là, on a la version gouvernementale, ça voudrait dire techniquement que les différents ministères se mettent d'accord sur une feuille de route partagée dans laquelle la cause dominante, si on veut, qui est l'écologie, permette de servir de coordination pour avancer. Et ça va même jusqu'à une dimension presque philosophique, je trouve, dans le passage suivant. Tant que nous serons dans ces affrontements perpétuels, alors que l'humanité a emprunté un chemin tragique, voilà, un homme, une femme, je l'ai toujours dit, quel qu'il soit, je pense qu'au moins on peut m'accorder des convictions, quelles que soient ses convictions, s'il est isolé dans un gouvernement, s'il est isolé dans la société. Là, l'idée, c'est vraiment que la situation de l'humanité nécessite une forme unitaire, mais comme une forme d'union nationale, en quelque sorte, sur cette cause prioritaire. Il y a une évidence apparente à ce discours, et je suis assez convaincu que nombreux sont ceux parmi vous qui adhèrent à ce discours. Mais est-ce que c'est vraiment ça la voie? Parce que quand on voit où elle a conduit, on se dit qu'on touche une limite, là, j'y reviendrai. Est-ce qu'on ne peut pas avoir des modèles du fonctionnement politique, des modèles du fonctionnement des politiques publiques, des modèles du débat intellectuel qui reposent au contraire sur l'idée que c'est par des confrontations qu'on aboutit à construire le bien commun, et que la question n'est pas de ne pas se confronter et de coopérer, j'ajouterai ironiquement, gentiment, mais la question est plutôt de savoir est-ce que les protagonistes des confrontations sont dignes des intérêts qu'ils portent, et est-ce que les conditions dans lesquelles on organise et on pense et on conduit ces confrontations sont stériles ou fructueuses. Mais l'idée de dire que la confrontation est par elle-même stérile et que le bien commun se construit dans le déni ou la répression de la confrontation, pour moi, cette idée pose problème. Donc ça, je pense que c'est vraiment un des thèmes de réflexion sur lequel il faut avancer. C'est un des thèmes de réflexion sur lequel, en mobilisant des ressources théoriques autres que celles de ce discours-là, on doit pouvoir arriver à quelque chose qui nous permette de dépasser le mauvais pas dans lequel on est d'une certaine manière ici enlisé. Ce modèle de la coopération, il va avec un autre élément de discours qui me paraît indispensable de mettre sur la table, parce que lui aussi, je pense qu'on l'a tous tellement intégré qu'il y a besoin d'un effort, d'introspection pour prendre du recul. C'est le discours de la tragédie, de l'urgence à agir. Donc écoutons non seulement les mots de Nicolas Hulot, mais du journaliste qui l'interroge d'abord, pour voir ce modèle. Incendie un peu partout dans le monde, Grèce, Suède, États-Unis, inondations suivies de canicules au Japon, record de température en France. J'arrête la liste des événements majeurs de l'été. C'est la bande-annonce de ce qui nous attend, ont dit les scientifiques. Sur le sujet, tout a été dit, tous les grands mots ont été employés, mais le film catastrophe est là, sous nos yeux, on est en train d'y assister. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi, rationnellement, ce n'est pas la mobilisation générale contre ces phénomènes et pour le climat? J'aurais une réponse qui est très brève. Non. C'est impossible à expliquer. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas que nous assistions globalement, les uns et les autres, à la gestation d'une tragédie bien annoncée, dans une forme d'indifférence. La planète est en train de devenir une étuve. Nos ressources naturelles s'épuisent, la biodiversité fond comme la neige au soleil, et ça n'est pas toujours appréhendé comme un enjeu prioritaire. Donc là, vous reconnaissez ce modèle, en fait. On a un problème collectif qui est à la fois qui est dramatique, et face à ce modèle collectif, une incompréhension totale face à une sorte d'absence qui est perçue comme une absence de mobilisation ou une impuissance, hein, une impression de mystère et d'impuissance incompréhensible. Donc ça, c'est vraiment un des thèmes clés du débat sur l'environnement, pas depuis 10 ans, mais depuis 50 ans. Il y a un auteur qui s'appelle Dupuis, qui a écrit un ouvrage magnifique sur le catastrophisme éclairé, et qui formule ça de la manière suivante. Il nous dit: nous savons, mais nous ne croyons pas. C'est ça qui est paradoxal. Il y a beaucoup de domaines dans l'existence où nous croyons, mais nous ne savons pas. Mais là, et donc nous agissons sur nos croyances, même si nous ne sommes pas sûrs, nous prenons des paris pour avancer. Là, c'est l'inverse que nous dit Dupuis. Sur la crise écologique, nous savons, mais nous n'arrivons pas à croire. C'est-à-dire que nous n'arrivons pas à ce que nous savons devienne quelque chose qui nous affecte pour agir. C'est du moins l'apparence de ce dilemme. Une autre conséquence de cette manière de voir, c'est la question des petits pas, sur laquelle je trouve les mots de Hulot tout à fait frappants, aussi bien dans le fond que dans la forme. Alors nous faisons des petits pas, et la France en fait beaucoup plus que d'autres pays, mais est-ce que les petits pas suffisent à endiguer, inverser et même à s'adapter, parce que nous avons basculé dans la tragédie climatique? Eh bien, la réponse, elle est non. La question fondamentale qu'il faut se poser: est-ce que nous avons commencé à réduire nos émissions de gaz à effet de serre? La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à réduire l'utilisation des pesticides? La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à enrayer l'érosion de la biodiversité? La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à se mettre en situation d'arrêter l'artificialisation des sols? La réponse est non. Donc ça, c'est effectivement un des passages les plus éloquents de cet entretien. Sur la question des petits pas, il y a quand même un problème d'illusion d'optique ou de perspective. Imaginez qu'il y ait deux ministères. Il y a un ministère des travaux publics, dont le boulot est de construire des logements sociaux, des autoroutes, des lignes de chemin de fer, des ponts, etc. Et puis, à côté, il y a un autre ministère qui s'appelle le ministère de l'évitement des conneries. Donc, le boulot de ce deuxième ministère, c'est d'éviter les conneries. Donc, au fil du temps, y en a un qui construit des ponts et l'autre qui évite des conneries. Pas de problème. Au bout de 10 ans, 20 ans, on va faire le bilan de l'activité de ces ministères. Qu'est-ce qui va ressortir de ce bilan? C'est assez clair. Le ministère des Travaux publics, il va pouvoir montrer les bâtiments, les ponts, les autoroutes, les enfants qui vont dans des écoles toutes neuves, etc. L'autre ministère de l'évitement des conneries, qu'est-ce qu'il a à montrer? Les conneries qu'on n'a pas faites, elles sont où? On ne les voit pas. Est-ce que vous êtes capable d'imaginer ce que serait Paris aujourd'hui si les voitures avaient les mêmes performances écologiques que les voitures de quand j'étais petit? Si les bâtiments avaient les mêmes performances thermiques que les bâtiments construits dans les années 60, que vous voyez en vous baladant dans Paris avec des fenêtres, on a l'impression que c'est des ventilateurs pour avoir froid. Est-ce que vous pouvez imaginer l'état de la France, s'il n'y avait pas eu cette énorme politique de l'eau depuis les années 60, aujourd'hui il y a un nombre énorme de rivières dans lesquelles on peut se baigner. J'ai fait des campagnes d'entretien sur, il y a longtemps, auprès d'habitants d'une rivière près de Cholet qui s'appelle la Moine. La pollution était telle à la fin des années 50 que l'odeur était insoutenable. Les gens s'enfermaient chez eux, scellaient leurs fenêtres avec de la pâte ou des choses comme ça, brûlaient du papier d'Arménie tellement ça puait. Donc en fait le problème c'est que les conneries évitées on ne les voit pas. Et donc ce qui est mystérieux c'est comment ça se fait. Donc on a l'impression de ne pas avoir agi, mais ce n'est pas vrai. Il y a une action énorme et une montagne énorme de conneries évitées, c'est-à-dire qu'il y a autant de conneries évitées que d'autoroutes, que de ponts, d'écoles, etc. Le problème, c'est que de la même manière qu'il reste toujours des écoles à construire, des logements sociaux à construire, etc., il reste toujours des conneries qui sont encore là et des conneries à éviter. Donc il y a un vrai problème de cadrage intellectuel, à mon avis, qui fait que ne pas saisir la différence entre construire et éviter les conneries, ça nous met dans des faux paradoxes qui sont complètement paralysants pour l'action. Et un autre problème ici, c'est le fait que éviter des conneries, ça veut dire, dans le cadre un peu technique, là où parle Hulot, il nous dit, il a tout à fait raison, on continue à émettre de plus en plus de gaz à effet de serre. C'est pas qu'on n'a rien fait, parce que si on n'avait rien fait, on en émettrait beaucoup, beaucoup plus qu'on en émet. Donc, il faut arriver à venir à poser les choses de manière quand même plus claire et plus technique. Ce n'est pas qu'on n'a rien fait et qu'on n'a pas diminué l'augmentation des gaz à effet de serre. C'est simplement que pour l'instant, l'arbitrage de la société, on peut discuter s'il est démocratique ou pas, personnellement je pense qu'il est démocratique, c'est que entre le choix qui consisterait à dire diminuons notre niveau de vie, diminuons nos gaz à effet de serre, et l'autre qui consiste à dire continuons notre effort pour maintenir notre niveau de vie et essayons de faire comme on peut au mieux pour le gaz à effet de serre. Pour l'instant, c'est cette deuxième politique qui a été choisie par les Français. Et par bien d'autres. Mais là, je me réfère à des éléments dont je n'ai pas pris de soundbites dans l'interview de Hulot. À plusieurs reprises, il reconnaît que les difficultés rencontrées, c'est aussi des difficultés du choix collectif. Ce n'est pas que lui. Au fond, lui, il reflète des choix collectifs. Donc une fois qu'on a fait ces deux corrections, ce mystère apparent de l'impuissance disparaît. Il faut faire une troisième correction pour sortir de cette illusion d'impuissance. On va me dire, mais en un an, on ne peut pas tout faire, certainement. Sauf qu'il y a une telle urgence. Et c'est un vice de forme que vous décrivez là. On me dit, mais prends ton temps, sois patient. Mais ça fait 30 ans qu'on est patient. Ça fait 30 ans qu'on laisse les phénomènes se dérouler, ils sont en train de nous échapper. Donc je veux bien, on me dit, fixe-toi 2-3 priorités. Mais tout est priorité. Donc là, on voit comment se traduit le modèle du mystère de l'impuissance. Mais imaginez qu'on soit au lieu du ministre de l'écologie avec le ministre de l'éducation nationale qui va nous dire, mais regardez le niveau d'échec scolaire, l'absence d'emploi pour des gens qui ont un diplôme, la menace de l'illettrisme qui est sans arrêt à nos portes et sur lesquelles on a un mal fou pour arriver à trouver des politiques publiques pour que les enfants du primaire apprennent vraiment à lire, à écrire et à compter. Lui aussi, il peut légitimement avoir ce sentiment-là. Imaginez qu'on soit au ministère de l'Intérieur sur les questions de sécurité, de terrorisme, etc. Est-ce que le ministre peut être serein et dire « Ok, c'est cool, on a les affaires en main ». Non. Il est aussi dans cette impression d'être au bord du basculement sur une cause qui détermine toutes les autres. Pour finir de relativiser ce modèle de l'urgence, et donc là on voit la conséquence du fait de ne pas voir ce que représente le fait d'être un ministère de l'évitement des conneries. C'est qu'on est dans l'urgence depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mais toutes les choses qu'on a faites depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, on ne les voit pas. On ne les voit pas. Aujourd'hui, quand on parle de pollution de l'air en ville, on parle de la pollution de l'air en ville qui reste après 50 ans de politiques qui ont diminué massivement la pollution de l'air en ville. Dans les années 50, il y a eu un épisode de pollution à Londres qui a tué des milliers de personnes. Pas de manière statistique sur le long terme, des gens qui en quelques jours sont morts parce que l'air était toxique. Donc on a une capacité à ne pas voir ce qui a été fait, tout à fait naturelle, puisque ce qu'on n'a pas fait, c'est des conneries. Donc quand on ne les fait pas, ben, on ne les voit pas. Donc on arrive à ce discours d'urgence, il nous reste 10 ans. Mais moi j'ai entendu le même il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, ce discours est structurel. Ce discours c'est attention, si on n'évite pas les conneries d'aujourd'hui, on va basculer. Ça c'est vrai. Mais par contre le fait d'en déduire une sorte de mystère sur pourquoi on n'agit pas, ça c'est faux parce qu'il est faux qu'on n'agisse pas et il est faux que ce soit un mystère. La dernière pièce du mystère, je vous la laisse entendre. Vous savez, on est dans ce paradoxe. Au moment où je parle, l'humanité a tous les outils technologiques et économiques pour faire un saut qualitatif. Elle n'a pas encore perdu la main. Mais tout se joue dans les 10 ans qui viennent. Ok. Et donc, la dernière pièce du puzzle, c'est qu'on introduit là-dedans un acteur imaginaire qui n'existe pas. L'humanité n'est pas un acteur. L'utilisation de l'expression « l'humanité n'a pas perdu la main » est étonnante. L'humanité n'a pas la main. Il y a plein d'humains qui ont la main sur plein d'actions, que ce soit à titre individuel, que ce soit groupé en communauté ou groupé en collectivité politique comme un État par exemple, ou groupé en organisation de production et de services comme la SNCF ou bien Peugeot ou Renault. Donc ça, c'est des acteurs qui ont la main jusqu'à un certain point. Mais l'humanité, c'est un acteur imaginaire. Donc on fait une erreur intellectuelle qui est de confondre une entité agrégée qui est, sur laquelle on peut vraiment faire des bilans. Hein, si je me demande quel est le bilan de l'ensemble des actions de tous les humains sur l'écologie, j'ai bien le droit de dire l'ensemble des actions de tous les humains sur la planète a un résultat négatif. Et ça, pour simplifier, je peux dire l'humanité continue à détruire la planète. Donc pour un constat ex poste, ce langage approximatif est tout à fait possible, approprié, il n'est pas inapproprié. Mais si j'utilise le même langage pour dire maintenant il faut que l'humanité se ressaisisse, il n'y a personne qui s'appelle l'humanité et qui peut dire « Ah ok, ça y est, j'ai compris, cette fois-ci je vais agir ». L'humanité n'est pas un acteur, c'est un bilan global de toutes sortes d'actions multiples. Si je vous donne une phrase du genre « l'humanité roule de plus en plus à vélo », c'est un bilan légitime. On peut dire « ok, il y a y a de plus en plus de gens dans l'humanité qui roulent à vélo. Pas de problème, comme langage de bilan, ça convient. Mais si je vous dis, il faut maintenant que l'humanité roule plus à vélo. Mais l'humanité, elle peut pas rouler à vélo. Elle ne peut pas monter sur un vélo. Donc si je dis, il faut que l'humanité monte à vélo, ça ne veut rien dire en termes d'action. Il va falloir revenir à des vrais langages d'organisation et d'action. Qui on a envie de faire monter sur les vélos? Et qui est en position de dire à quelqu'un, maintenant, monte sur le vélo? Mais cet acteur imaginaire, l'humanité, donne une impression d'impuissance parce qu'il n'est pas surprenant que si on attribue une capacité d'agir à un acteur qui n'existe pas et qu'ensuite on s'aperçoit qu'il n'agit pas, bah oui, on a l'impression qu'il y a un problème. Mais cette impression est encore une illusion d'optique de ce modèle unitaire. Je vais venir sur le dernier thème que je voulais mettre en discussion. C'est un thème assez lourd, donc on va juste l'esquisser là. Mais ça me paraît impossible de parler de cet entretien sans le mettre sur la table. Donc on va prendre la première version, c'est la plus nette et brutale, et elle vient dans les deux premières minutes de l'entretien. Et surtout, pour être très sincère, mais ce que je dis vaut pour la communauté internationale, on s'évertue à entretenir, voire à réanimer, un modèle économique, marchand, qui est la cause de tous ces désordres. Donc là, on tient un diagnostic, c'est quand même cool, hein, il y a un problème énorme. Au moins, on a un diagnostic qui est quand même super clair. Hein. La cause de tous ces problèmes, c'est le modèle marchand. Alors, il y a plein de mots différents pour le dire. On va pouvoir dire c'est le capitalisme, le néolibéralisme, le profit, enfin bref. Avec cette analyse-là, on a l'impression d'avoir identifié la cause. Derrière ça, il y a une deuxième couche qui est une couche plus conceptuelle ou épistémologique. Vous avez entendu Nicolas Hulot parle, il le fait à plusieurs reprises dans l'entretien, de modèle. Hein. Donc, pour lui, la cause des désordres, c'est qu'on n'est pas dans le bon modèle. Mais donc, le remède, c'est qu'il faut changer de modèle. Alors, ça pose deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'on se retrouve avec un paradoxe qui est du même ordre que l'humanité. Le modèle politico-économique dans lequel on vit, c'est le résultat d'une construction par de multiples acteurs. Et on décrit l'état actuel de cette dynamique émergente en disant, ben voilà, moi je vois un schéma là-dedans, c'est un modèle. Mais ce modèle, il n'est pas construit par un architecte qui, à un moment donné, dit, OK, on va construire comme ça. Il est construit par petites touches au fil du temps. Et du coup, on construit ce modèle. Dit autrement, ce modèle, c'est une intégrale. Mais nous, notre activité, elle peut porter que sur la dérivée. C'est-à-dire qu'on peut faire des petits changements qui, dans le temps, finissent par construire un modèle. Un des livres qui m'a le plus influencé, c'est par son titre, c'est le livre de Michel Crozier, On ne change pas la société par décret. Donc l'idée qu'on pourrait décider d'un coup de changer de modèle est aussi décalée que l'idée qu'on peut mettre l'humanité sur un vélo. Donc il faut la retraduire dans des langages réels d'organisation et d'action. Qui peut faire quoi aujourd'hui pour changer quel aspect de l'organisation de l'action, et la somme de toutes ces actions de changement qui ne seront jamais totales ou complètement coordonnées, peut-être nous amènera à ce qu'on constatera être devenu un autre modèle. Donc il y a ce problème-là. Et puis il y a un deuxième problème, effectivement, qui est-ce que la cause, c'est vraiment le marché, le profit, etc. Je pense que le raisonnement est beaucoup trop court. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je vais plutôt vous donner à entendre la suite de l'entretien sur ce thème-là. Et on va voir que d'un seul coup, le diagnostic change jusqu'à s'inverser complètement. Comment décririez-vous l'armature idéologique du gouvernement, celle contre laquelle vous avez échoué? Vous nous l'avez dit très sincèrement. C'est quoi? C'est du libéralisme, a proposé Léa Salamé? Productivisme, nucléarisme, c'est quoi? C'est difficile. D'abord, je ne voudrais pas, dans un moment dans lequel je mets en difficulté le gouvernement, alors que ce n'est pas du tout mon souhait, au contraire. J'espère qu'on essaye de comprendre la nature de l'impasse. Il y a une diversité, des parcours de vie différents, des personnalités passionnantes. Mais les grandes tendances demeurent. C'est-à-dire ? La remise en cause d'un modèle agricole dominant n'est pas là. On recherche une croissance à tout crin, sans regarder ce qui appartient à la solution et ce qui appartient au problème. Vous savez, ça se joue... comment vous expliquer ? Quand on se réjouit, ça va vous paraître anecdotique, mais de voir sortir de Saint-Nazaire un porte-container qui va porter 50 000 containers. Superbe performance technologique. Est-ce bon pour la planète ? La réponse est non. Et c'est surtout toutes ces incohérences, ces contradictions. Ok, donc là, vous voyez que d'un seul coup, on se retrouve dans une plus grande complexité. D'abord, on a quelqu'un qui nous dit en début d'entretien, la cause de tout, c'est, disons, le modèle économique. Et qui ensuite explique qu'il ne veut pas mettre en difficulté un gouvernement dont il est bien clair que ce gouvernement essaye de résoudre les problèmes dans le cadre du dit modèle économique. Avant de continuer sur ce thème, je voudrais qu'on fasse un petit zoom sur la question de la croissance qui a été évoquée. Je trouve que Nicolas Hulot là, pose une question qui est extrêmement féconde, qui est de dire on veut de la croissance sans se demander ce qui est de l'ordre des problèmes et ce qui est de l'ordre des solutions. Là, je vais revenir sur un thème que j'ai déjà abordé hier. Quand on parle de croissance, vu du point de vue de l'impact sur la planète. La croissance qui impacte la planète, ce n'est pas la croissance économique. Hein, imaginez que notre croissance économique soit maintenant uniquement drivée par des prestations immatérielles. Imaginons par exemple qu'on se mette en situation de se dire ce qui compte le plus pour notre bien-être à chacun, c'est... des démarches spirituelles et psychologiques. C'est de faire du yoga, c'est de régler ses blessures d'enfance, c'est de cultiver une communication non violente les uns avec les autres. Et que ça devienne notre priorité. Dans ce cadre-là, tout le monde se met à travailler là-dessus et donc on a une explosion des emplois de thérapeutes, de profs de yoga, etc. Toutes sortes d'activités qui ont un impact écologique proche de zéro et qui généreraient pourtant la croissance d'un secteur d'activité qui pourrait devenir déterminant si ça devenait la priorité de notre société. Donc ce n'est pas la croissance économique qui pose problème. Ce qui pose problème pour l'environnement, j'y reviens, c'est cinq facteurs fondamentaux. C'est l'augmentation de la population par la consommation. C'est-à-dire le niveau de vie. C'est-à-dire que quand la population augmente et que le niveau de vie augmente, la pression sur la planète augmente. Cette pression, elle est modulée par trois facteurs supplémentaires. Un, c'est l'efficience des moyens par lesquels on produit les biens et les services pour la consommation. C'est sûr que si on utilise la même quantité d'électricité pour s'éclairer, mais que dans un cas, elle est produite avec du charbon, dans un autre cas, elle est produite avec des panneaux solaires, là, on n'aura pas la même empreinte, donc ça module. Ça n'enlève pas, c'est là que les débats sont très confus, c'est que les gens disent oui, il suffit de choisir des moyens propres. Non, sauf que si on le fait avec des panneaux solaires, si on est deux fois plus nombreux et qu'on utilise quatre fois plus d'éclairage, il faudra huit fois plus de panneaux solaires et il y aura quand même huit fois plus d'impact que si on restait à un certain niveau de population et de consommation à utiliser des panneaux solaires. Donc ça, c'est le facteur de modulation, efficience des moyens de production. Le deuxième facteur de modulation, c'est le soin qu'on met ou pas à organiser et à configurer la production des biens et des services de manière à éviter le plus possible les dommages aux écosystèmes. Hein, c'est l'exemple de l'autoroute. Si elle passe dans ce qui est aujourd'hui un champ de maïs, il y aura très peu d'impact environnemental. Si elle passe dans ce qui est aujourd'hui une tourbière avec une biodiversité qui n'existe que là, il y aura un impact environnemental maximum. Donc ça, c'est le deuxième facteur de modulation. Et le troisième facteur de modulation, c'est le niveau d'attente. Je vais être un peu provoque là-dessus. Dans les dossiers de chasseurs là, qui ont motivé la fameuse réunion avec les lobbyistes, le lobbyiste pas invité, un des dossiers clés entre le milieu environnemental Les chasseurs, c'est les espèces chassables. Donc moi, j'y suis très sensible, puisque depuis que je suis petit, je suis passionné par les oiseaux. Hein. Donc, exemple concret, le courlis cendré. Hein, est-ce qu'on peut chasser le courlis cendré, qui est un limicole grand comme ça, qui niche dans des prairies humides? Ok, les populations de courlis cendré, elles sont basses, et c'est vrai que si l'objectif de référence, c'est d'avoir des bonnes populations de courlis cendré, non, il ne faudrait pas tirer sur les courlis cendré. C'est pareil pour le tétra, le grand tétra ou coq de bruyère. Si ce qu'on se fixe comme référence, c'est ça. Ça pose un problème. Mais est-ce qu'on serait prêt à aller jusqu'à dire que le fait qu'il y ait ou pas des courlis cendrés en France engage en quoi que ce soit l'avenir de l'humanité? Hein, vous voyez bien qu'on met un soin incroyable à ne pas faire cette différence. Moi, ça m'emmerde que les coqs de bruyère disparaissent dans les Pyrénées, dans les Vosges, etc. Et je ne suis pas tout seul, il y a plein de gens que ça emmerde. Mais de là à dire c'est une cause qui détermine toutes les autres et le futur de l'humanité, parce que c'est une cause environnementale au même titre que ceci, que ceci, que cela. Donc là, il y a un problème de... c'est ce troisième point de modulation, c'est que si on veut arriver à discuter ensemble, il faut qu'on admette qu'on n'a pas tous les mêmes niveaux de référence. Moi, il y a des niveaux de destruction de l'environnement qui me font souffrir. Par exemple, quand je suis rentré à l'âge de 40 ans dans la région où j'ai grandi, hein, dans le Haut-Rhin, en Alsace, que j'ai vu dans quel état étaient les milieux agricoles, ruraux, etc., où j'allais quand j'étais gamin pour voir les oiseaux, etc. Mais je pleurais. Mais je ne peux pas, à cause de ça, attendre que tout le monde partage mon vécu de ça. Il y a sûrement des gens qui trouvent ça formidable, le niveau de prospérité atteint par le Haut-Rhin, comparé au niveau de vie qui pouvait avoir quand j'étais petit. Donc ce troisième modulateur, il est très important. Il n'y a pas de perception objective de ce qui est acceptable ou pas. Il y a une discussion nécessaire sur ce qui est acceptable ou pas. Et donc sur cette histoire de croissance, les points clés de la croissance, c'est là le niveau de population et le niveau de vie, modulé par les trois facteurs que j'ai dit. Est-ce que cette croissance-là, elle est liée uniquement au modèle économique? Je ne crois pas. Quand je regarde les pays dans le monde qui ont une dynamique démographique très forte ou qui ont des politiques démographiques très ambitieuses, le driver n'est pas du tout forcément économique. Quand je vois la Malaisie, qui a une politique pour passer de 20 à 80 millions d'habitants, pour équilibrer ses forces par rapport à son voisin, l'Indonésie. Qu'est-ce que le modèle économique ou le profit à avoir là-dedans? Là, on est dans des considérations géopolitiques, dans des considérations identitaires. Quand je vois les débats des 30 dernières années qui considèrent que c'est la base des droits de l'homme de pouvoir faire des familles hyper nombreuses sans que quiconque ait le droit même de poser la question de savoir si c'est pertinent, est-ce que c'est, vous croyez, le modèle économique qui est le driver derrière ça? Personnellement, je ne crois pas. Quand on est dans cette difficulté incroyable aujourd'hui de dire il faut quand même absolument qu'on augmente le niveau de vie de la majorité de la population en France. Est-ce que ce discours-là est lié uniquement au tenant d'un certain modèle économique? Est-ce qu'il n'est pas partagé par d'autres qui sont des tenants d'un autre modèle économique? Donc il y a un vrai débat à réouvrir sur cette question de croissance. Et là où il y a une confusion énorme, c'est que même des gens qui participent de bon cœur à la politique du gouvernement actuel utilisent des langages diagnostiques qui relèvent d'un imaginaire politique complètement différent, sans se poser la question. Et donc, on va voir, conclure cet aspect-là sur le modèle économique par une dernière partie de l'entretien sur ce thème. Mais l'économie, Nicolas Hulot, est aussi prioritaire. Le fait de faire de faire baisser le chômage, le fait que... Je ne dis pas le contraire, et je comprends donc, très bien... Si vous voulez, c'est quand on accepte d'être ministre, on sait bien qu'il y a des arbitrages à faire, et que d'un côté, il y a une urgence économique et une urgence écologique, et que parfois, elle est contradictoire. Mais on peut essayer de choisir dans l'économie ce qui participe à la solution. Il y a aussi des grandes opportunités dans la transition écologique, énergétique. Vous avez même dans le modèle agricole la possibilité de passer dans un modèle agricole qui soit intensif en emploi, et non pas intensif en pesticides. Un plan de souveraineté alimentaire en protéines végétales, est-ce qu'il a été sérieusement envisagé? Une agriculture qui se passe des pesticides, c'est tout bon pour les agriculteurs, même sur le plan économique. Les externalités négatives du modèle agricole aujourd'hui, mais regardez-les si on a une vision macro, croyez-moi, ils vont mieux mettre l'argent en amont que le mettre en avant. C'est cette vision d'ensemble. Je ne dis pas que j'ai toutes les solutions. Moi, j'espérais à un moment ou à un autre que dans ce gouvernement, chacun y apporte sa contribution. Donc, ce que vous voyez, c'est qu'on passe dans le même entretien d'une phrase à l'emporte-pièce, qui est de dire « le modèle marchand est la cause de tous les maux », à une approche qui consiste à dire « utilisons intelligemment le modèle marchand parce qu'il peut nous servir de moteur et de levier dès lors que nous cherchons des synergies entre écologie et économie ». Dans le même entretien, on peut avoir quelqu'un qui nous dit le modèle marchand est la cause de tous les maux, et qui nous dit ensuite, ayons un raisonnement de calcul qui consiste à dire ça nous coûtera moins cher si on fait de la prévention maintenant que de la faire après. Je ne jette absolument pas la pierre à Nicolas Hulot. Je pense que tous les gens que je connais qui s'expriment sur le sujet sont soit dans cette forme de complexité d'incohérence apparente ou dans d'autres formes de complexité et d'incohérence apparente, soit dans un discours tellement monodimensionnel et réducteur qu'il ne résiste pas 5 minutes à une discussion critique. Pourquoi ? Parce que le problème est ailleurs, le problème de croissance, il n'est pas entièrement dépendant du modèle économique. Le résultat de ça, et c'est un point clé pour comprendre la situation de l'écologie aujourd'hui, c'est que l'écologie a complètement explosé quant à sa place dans le spectre politique gauche-droite. Vous l'avez tous vu en suivant les dernières élections présidentielles. Vous avez vu que des écologistes qui avaient réussi à se rassembler sur la base d'un compromis, disons, entre une certaine gauche et l'écologie, dans les partis écologistes, ce rassemblement a explosé. Chacun a rejoint la famille qui lui semblait la meilleure pour les questions de politique générale, sociétale ou économique, et défend l'écologie dans ce cadre-là, en constatant que l'écologie est un éclateur idéologique. C'est-à-dire que des gens, ça a été un spectacle extraordinaire dans les émissions politiques de voir chacun, une fois retrouvé son implantation dans le spectre gauche-droite, se trouvait de nouveau pouvoir y défendre ses idées sur l'environnement. Et donc, il y a une notion que j'aime beaucoup de l'analyse institutionnelle, c'est l'éclateur idéologique, c'est-à-dire une idée ou un problème qui d'un seul coup fait voler en éclats un cadrage idéologique. La décroissance, est-ce qu'elle est de gauche ou de droite ? Hein, la décroissance, on va dire, au lieu de s'appuyer sur des macro-systèmes économiques et technocratiques pour notre consommation, on va essayer de diminuer notre niveau de consommation et de nous réorganiser dans des petites unités plus autonomes qui vont se doter aussi de leur propre jeunesse culturelle pour ne pas être sous l'aliénation des macro-structures. Bah, vous avez la version de gauche, c'est la communauté qui s'installe dans un endroit pour expérimenter, etc. Mais tout aussi crédible est la version qui consiste à dire la famille, la communauté villageoise, la communauté de pensée culturelle sont des unités qui vont nous permettre de nous réorganiser. Et dans ce cadre-là, on va pouvoir retrouver un épanouissement personnel par la proximité de la décision, le partage de valeurs culturelles, au lieu de le trouver dans la prospérité matérielle. Et dans Mon petit discours de l'état du secteur de l'environnement de l'année dernière, j'avais déjà attiré l'attention sur ce que je pense être un des éléments clés, c'est aujourd'hui l'émergence ou la réémergence d'une écologie de droite, notamment avec la revue Limite et toute la réflexion qui s'ensuit, et qui fait qu'aujourd'hui, l'écologie qui a été restée confinée pendant une vingtaine d'années dans une espèce de compromis en tension et finalement assez stérile entre une certaine gauche et l'écologie, a réexplosé pour occuper tout son lit depuis l'ultra-gauche jusqu'au mouvement plus identitaire, très conservateur, etc. Et dans tous les cas, avec des formes de légitimité. Et c'est ce nouveau spectre qui est le spectre du débat intellectuel sur l'écologie. Donc là, il y a une vraie nouveauté aussi dans le débat de pensée. Et puis, il y a un vrai défi politique, puisque maintenant, si vous voulez, que la volière a été ouverte, que les oiseaux sont partis partout, se percher chacun dans des arbres différents, eh bien, les conditions de la discussion vont devenir tout à fait différentes. Donc je vais en venir à la conclusion, en fait. Pour moi, le point qui me fascine, c'est que cette démission de Nicolas Hulot, elle est la fin d'un cycle intellectuel et politique sur l'environnement qui a commencé en 2007. Ce cycle, c'est Nicolas Hulot lui-même qui en était déjà le porte-parole et même l'initiateur. Avant les élections présidentielles qui ont vu l'élection de Nicolas Sarkozy, il a proposé aux candidats à l'élection un pacte écologique. Toujours sur ce modèle d'action, puisque c'est une cause très importante. Pour que ça marche, il faut qu'elle soit portée par les plus hauts dirigeants. Et donc, on va essayer d'obtenir des plus hauts dirigeants qui s'engagent directement à prendre en charge cette cause écologique. Donc, c'était bien le modèle d'action qu'on a entendu là dans la bouche de Nicolas Hulot. Effectivement, ce pacte a été accepté. La deuxième étape, juste après, ça a été le Grenelle de l'environnement en 2007. Qui a été emblématique du passage à un modèle coopératif sur la gestion de l'environnement. On a mis tout le monde autour de la table pour se mettre d'accord sur la manière dont on allait gérer tous ensemble l'environnement. Donc ça a été le début d'un cycle sous ce modèle théorique et pratique de coopération. Ensuite, en même temps que le Grenelle de l'environnement, il y a eu un troisième élément fondateur. Ça a été la fusion entre le ministère de l'Environnement et puis le ministère des Travaux publics, pour faire court. Avant, il y avait un ministère de l'Environnement plus petit, mais qui avait les coudées franches pour se battre sur les questions environnementales, pour exprimer publiquement son opposition à certains projets ou à certaines politiques des autres secteurs de la société. Et on est parti sur l'autre modèle organisationnel. Donc ça, c'était un modèle de confrontation féconde. Du moins dont on espérait qu'elle soit féconde. On se dit, en donnant la possibilité à un acteur d'environnement, ici le ministère de l'Environnement, de se battre en public avec les autres pour arriver à des négociations plus dures et à faire bouger les lignes et les arbitrages, on pensait avancer comme ça. Et là, en 2007, de manière très discrète, aucun journaliste à l'époque ne s'est intéressé à cette question, on a restructuré le ministère de l'Environnement sur l'hypothèse que si on mettait ensemble les gens qui détruisent et les gens qui veulent protéger, ils allaient discuter, se mettre d'accord pour tous ensemble faire la meilleure chose et au bout du compte protéger mieux. Hein. C'est la création de ce grand ministère. Et donc, de mon point de vue, cette politique-là, elle a été la matrice de la politique qui a été conduite par Nicolas Sarkozy. Elle a été poursuivie sous la présidence de François Hollande. Et c'est encore cette politique qui a été poursuivie puisqu'on a pris comme ministre celui-là même qui avait posé les bases de ce modèle d'action, à savoir Nicolas Hulot. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Je ne dis pas que ce modèle politique n'a eu aucun fruit. Je pense que les idées dans les administrations techniques qui construisent les ponts, les autoroutes, etc. ont évolué. Je pense que la capacité à discuter entre les acteurs s'est améliorée. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Nicolas Hulot dit dans des moments que je n'ai pas repris dans l'entretien, à savoir qu'il y a pas mal de choses qui ont été faites dans ce cadre-là. Mais je pense qu'on peut partager avec lui le constat. Pour moi, sa démission, ce n'est pas un acte individuel, il le dit d'ailleurs à d'autres moments. C'est le constat qu'à un moment donné, dans les conditions telles qu'elles sont, ce modèle d'action a atteint ses limites. Et donc, puisqu'il a atteint ses limites, on entre dans un nouveau cycle politique et intellectuel. Et je pense qu'il va y avoir là une période de discussion, de flottement. C'est dans ce cadre-là que nous commençons là nos travaux sur les stratégies en matière d'environnement. Et au terme de ça, il faudra qu'on ait renouvelé les idées. Et il faudra qu'on envisage d'autres modes d'organisation. Je vais vous passer un dernier élément conclusif très bref de Nicolas Hulot. J'espère que le geste que je viens de faire, j'espère que ce geste sera utile pour qu'on se pose des bonnes questions. Et donc, au début de ma réaction, je vous ai montré à quel point ça me posait problème, qu'on présente toujours à la fois Nicolas Hulot, mais beaucoup plus généralement les questions d'environnement, sous cet angle emblématique. Hein, le personnage emblématique des bons, le personnage emblématique des méchants. Hein, Hulot, Monsanto, les éoliennes, le glyphosate. Il y a une notion qui vient de Gilles Deleuze que je trouve beaucoup plus éclairante, c'est la notion de personnage conceptuel. Là, la question n'est pas de savoir si quelqu'un est du côté du bien ou du mal, ou du bon ou du mauvais côté de la force, pour utiliser cette expression. Cette notion, elle consiste à dire, voilà, une idée d'action ou une manière de comprendre le monde, elle s'incarne dans un personnage. Et donc, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de prendre Nicolas Hulot comme personnage conceptuel, c'est-à-dire de dire, il incarne une certaine représentation des problèmes, il incarne un certain modèle de l'action pour avancer, un modèle qui est très riche puisqu'il couvre à la fois les relations coopératives entre les gens, l'organisation de l'État, les relations entre économie, etc. Donc je pense qu'il faut le voir comme un personnage conceptuel et la question qui se pose maintenant, au-delà de la question de savoir quel est le personnage réel qui va être nommé ministre de l'Environnement, c'est de savoir comment on imaginerait le personnage conceptuel dans les années à venir qui pourrait résoudre le problème, c'est-à-dire en fait, quelle est la théorie d'action qu'on aimerait voir s'incarner et qui pourrait permettre d'initier, d'accomplir et de mener à bout le prochain cycle politique et de politique publique sur l'environnement. Donc on peut poser le défi comme ça. Et Nicolas Hulot vient de dire, ce qu'il faut pour faire ça, c'est se poser les bonnes questions. Alors on va faire deux choses dans les semaines qui viennent et dans les mois qui viennent. Je vous invite à observer comment les gens posent les questions et vous êtes d'accord avec ma réaction à l'entretien avec Hulot, si les gens posent la question en disant « bon, cette fois-ci, comment on va faire pour mettre vraiment nos chorales de côté face à cet enjeu qui les domine tous ?» Si les enjeux disent, mais comment cette fois-ci on va enfin se mettre autour de la table pour résoudre le problème, si les gens posent le problème en disant comment on fait maintenant pour que le ministère de l'Agriculture fasse aussi partie de cet ensemble administratif où il y a déjà les travaux publics, le logement, etc., de manière à ce qu'enfin tout le monde puisse travailler ensemble, la question posée continue à être comment ça se fait que la tragédie approche et qu'on ne fait rien, vous verrez les gens poser ces questions en étant convaincus que c'est ça les bonnes questions, comme si en les posant plus fort, avec un mégaphone qui a des piles mieux chargées, on allait faire le job. Ben non, ça c'est les questions sur lesquelles on est depuis 40 ans. Donc c'est ces questions-là, c'est pas que c'est des mauvaises questions, mais elles montrent leurs limites. Donc, moi, je vous invite à être attentif, à voir s'il y a des interlocuteurs qui proposent de poser les questions autrement que ce que je viens de dire. C'est difficile, hein, parce que ces questions, elles sont tellement rodées, tellement impeccables dans leur discours, elles sont tellement appropriées à jouer sur des ressorts dans le public, dans l'organisation de la communication médiatique, dans la manière dont nous nous sentons bien. C'est des questions feel good. pourquoi les autres sont méchants? Comment ça se fait que les gens qui pensent comme moi, donc les gentils, n'arrivent pas à s'organiser pour restructurer le monde? Ça joue sur des ressorts qui posent problème. Donc je vous invite à être attentif, à voir qui pose d'autres questions. Par exemple, comment on fait pour sortir de cette histoire d'impératif qui dépasse tout? Comment on fait pour créer un rapport de force en faveur de l'environnement, au lieu de raisonner tout le temps en termes de coopération? Comment on fait pour que les confrontations dans la société deviennent fécondes? Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus, comment dire, on n'est plus dans l'oppression par la coopération. Les confrontations, on les voit dans les médias sociaux, dans les médias. Mais est-ce qu'elles se présentent sous une forme féconde? Est-ce que ce sont des confrontations qui font avancer? Voilà des questions qu'on peut se poser. Est-ce que, dans la discussion, qui est capable d'assumer que les arbitrages qu'on fait, par exemple, entre continuer l'effort pour le niveau de vie et l'écologie, ne sont pas un mystère, mais c'est les arbitrages qu'on a faits à la suite de nos choix collectifs, de nos débats politiques, de notre organisation. Et que la question, c'est qu'on pourrait aussi les assumer. Donc je n'ai pas la liste des questions qu'il faut se poser. Quand Nicolas Hulot nous appelle à poser les bonnes questions, simplement, je pense qu'on peut pointer les questions qui ont l'air d'être les bonnes questions par réflexe, et le fait qu'il y a besoin maintenant, pour passer à un nouveau cycle de réflexion et d'action, d'identifier de nouvelles questions et de creuser, de mobiliser d'autres ressources que celles qui ont été intellectuelles, j'entends, que celles qui ont été mobilisées jusque-là dans ce cycle de politique publique commencé en 2007 et qui s'est achevé de cette manière vraiment si spectaculaire en 2018.